Ce soir, au poulailler, les petites poules sont excitées comme des puces. Carmelito le poulet rose, Coq en pâte, Coq 6, Mollet de Coq et les autres font un tapage de tous les diables. La petite Carmen et ses copines, elles, sont sages, de vraies images. Le cœur battant, les poulettes ont les yeux fixés sur la porte d'entrée. C'est que nous sommes lundi. Et le lundi... Salut les poussins! Bonsoir, bonsoir grand-père! Répondent en écho les petites poules. À peine le vieux diseur d'histoire a-t-il pris place que tous les becs se ferment. On entendrait une plume voler. C'est l'heure tant attendue des contes du lundi. Fait le raconteur pour s'éclaircir la voix. Puis il prononce la formule magique. Conte, conte, conte, conta. Petits et grands tendez l'oreille. Conte, conte, conte, conta. J'entr'ouvre mon sac à merveille. Il était une fois... Pour commencer, les petites poules savourent les aventures de Maître Renard. Puis, c'est le récit du légendaire combat d'Ulysse contre le Cyclope. Avant d'écouter pour la 100e fois leur histoire préférée, la poule aux œufs d'or. Parents et enfants ne voient pas le temps passer. Tous aimeraient bien que cette merveilleuse balade n'ait jamais de fin. Mais... Comptez, compte, conti, conta. Il est temps de fermer le sac à histoire. Et ce sera tout pour ce soir. Oh, pas déjà. Protestent les petites poules. Carmel et Carmelito se précipitent. Tiens, je t'ai fait un dessin. Le vieux raconteur est très touché. Merci, ma poulette, dit-il la gorge nouée. Maintenant, il me faut partir. Je dois me rendre au poulailler de Crêtemolle. Au revoir, raconteur. À lundi sans faute, lui crie Carmelito. À regret, les petites poules regagnent sagement leur nid. Tiens, le raconteur a oublié sa musette à fromage, remarque Carmen. Qu'est-ce que tu manges, Bellino? Demande Carmelito. Rien, répond avec aplomb le petit bélier. Un fromage au bon lait de brebis. J'ai pas pu résister, avoue tout penaud Bellino. Sous la lune pâle, le conteur s'éloigne à petits pas comptés. Il souffre, ses os craquent et il a peine à marcher. Oh, comme me voilà devenu vieux! Je n'en puis plus. Ces voyages de poulailler en poulailler m'épuisent. Une grande tristesse l'envahit. Lorsque je ne serai plus là, qui va raconter des histoires aux enfants? Carmelito, Carmen et Bellino se précipitent pour rapporter au vieux conteur sa précieuse musette à fromage. Il ne doit pas être loin. Chut, écoutez. On dirait des sanglots, s'étonne Carmelito. Ça alors, c'est le raconteur qui pleure. Pfff, là là, pff, quel grimacier, dit Bellino. Brère pour un fromage, n'importe quoi. Oh, c'est vous. Chevrotte le colporteur d'histoire en se mouchant d'un revers de manche. « Que t'arrive-t-il ? » lui demande Carmen, très inquiète. « Il y a mes enfants que je suis vieux, très vieux. Le temps est venu pour moi d'aller rejoindre mes ancêtres au paradis des conteurs. Oh, et comme une andouille, je n'ai pas été fichue de trouver celui qui doit me succéder. » Soudain, un souffle puissant jaillit des profondeurs du puits. C'est bien le moment de pleurnicher. Oh, c'est vous, oncle Ésope ? N'ayez pas peur, les amis, c'est mon tonton, l'un des plus fameux inventeurs d'histoire de son temps. Beaucoup de fables que je connais, c'est oncle Ésope qui me les a apprises. Qu'est-ce que j'entends, fils ? Tu n'as toujours pas de remplaçant ? Mais c'est une catastrophe. Bon, rappelle-moi l'énigme qui doit te permettre de trouver ton successeur. Jean se nomme celui qui te remplacera. Endormi sur des feuilles, tu le découvriras. suivre la flèche pour le trouver, il te faudra. J'en ai suivi des flèches, mon oncle. J'en ai pris des directions. J'ai cherché dans les bois, les villages et les vallons. Mais je n'ai jamais trouvé ce genre mystérieux dormant sur des feuilles. Le temps presse, mon neveu. Si dans 3 jours tu n'as pas trouvé ton successeur, nos histoires tomberont dans l'oubli. Il te reste 3 jours pour accomplir cette tâche. 3 jours, mon neveu, tu entends ? 3 jours. Je veux bien les apprendre par cœur, moi, ces histoires, propose Carmelito. J'adore les histoires. Hélas, mon garçon, l'énigme est formelle. C'est un certain Jean qui doit me succéder. Déjà, nous en connaissons des dizaines, s'écrie soudain Carmen. On va t'aider à trouver celui que tu cherches. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès l'aube, la troupe se met en route. Le vieillard, qui n'a plus la force de marcher, voyage sur le dos de Bellino. Suivons la direction que nous indique cette flèche, propose Carmen. Dis-moi, d'où viennent les histoires que tu racontes ? Demande Carmelito. J'en ai inventé quelques-unes, bien sûr. Mais presque toutes font partie de mon héritage. Les histoires sont des trésors qui se transmettent de conteur en conteur depuis le fond des âges. Leurs recherches les conduisent d'abord chez Jean, le fameux sprinteur en longues oreilles, celui que justement l'on surnomme la flèche. Qui êtes-vous ? Votre bouille me dit quelque chose. Rappelez-moi votre nom ? Demande l'étourdi. Jeannot, c'est nous, Carmen et Carmelito. Carmelito lui expose l'objet de leur visite matinale. Devenir passeur d'histoire ? S'exclame le lièvre tout excité. Formidable, formidable, et puis j'apprends vite, moi, je suis rapide. On commence ? Oui, mais voilà, Jean le lièvre ne parvient pas à retenir la première histoire, même racontée plusieurs fois de suite. Attendez, je vais m'en souvenir. Regardez, je fais un nœud pour ne pas l'oublier. Les 3 amis observent la scène en se mordant les joues pour ne pas exploser. C'est pas gagné, lâche Carmelito qui n'en peut plus. Le pauvre a du gruyère entre les oreilles, ajoute Carmen qui plonge dans les hautes herbes en s'étranglant de rire. À l'évidence, Jean le lièvre n'est pas le Jean dont parle l'énigme. Ne nous décourageons pas, dit Carmen. Allons trouver un autre Jean endormi sur des feuilles. Vous partez déjà ? C'est dommage, on s'amusait si bien. On jouait à quoi déjà ? Mais les visites suivantes, à Jean le loup, Jean le lynx et Jean lézard, ne donnent rien elles non plus. J'en ai plein le dos, bougonne le petit bélier. Il faut trouver une autre façon de véhiculer le papy. Le lendemain, grâce à l'ingéniosité de Carmen qui, dans la nuit, a inventé la chaise à porteurs, l'expédition reprend la route. À qui rendons-nous visite ce matin ? Au propriétaire de cette grotte, répond Carmelito. Le plus sale caractère de la région, une vraie terreur. Regardez ! S'écrie Bellino, la mine blême. Il y a des os à l'entrée ! Je vous attends là ! Bravant le danger et la peur des chauves-souris, Carmelito, Carmen et le vieux rat progressent à tâtons dans l'obscurité. Soudain, ils débouchent dans une chambre. Ouh, Jean de l'ours, réveille-toi. Qui est assez fou pour venir ainsi troubler mon sommeil ? C'est la 2e fois qu'on me réveille, poursuit Jean de l'ours. J'espère pour vous que vous avez une bonne raison de me déranger, car je suis de très mauvais poil. Une flèche ? Comme dans l'énigme. Ce serait donc lui ? Encouragé par Carmelito, le vieux conteur des 1001 nids explique la raison de sa visite. Monsieur Jean, vous n'avez jamais envisagé de changer de métier, de devenir conteur par exemple ? C'est toi qui m'as fait ça, moucheronne. Je vais te... Du calme, gros nounours. Regarde, t'avais ça planté dans le derrière. Oh, voilà pourquoi je dormais si mal. Merci, ma poulette. Cette flèche appartient au galopin qui habite la maison près de la fontaine. Hier, ce garnement est venu me menacer avec son arc de bébé. Profitant de ce brusque changement d'humeur, le raconteur renouvelle sa demande. Acceptez-vous de me remplacer, monsieur Jean ? Vous me faites honneur, répond l'ours en bâillant. Mais c'est trop de travail. Moi, si je n'ai pas mes 6 mois de sommeil, allez, bonne nuit. Au terme du deuxième soir, malgré 10 lieues parcourues par monts et par veaux, le mystérieux Jean demeure introuvable. Les héros sont fatigués, fourbus, moulus, rompus, flagada. Aussi, Carmen passe-t-elle une partie de la nuit à imaginer un nouveau mode de transport plus commode que la chaise à porteur. Oui, reste à trouver un truc qui tourne et hop, roule ma poule. Dernier jour pour réussir. Ils ont décidé de se rendre chez le furet du Bois Joli. Tanière de Jean qui pue, en vue ! S'écrie Carmelito. Je sens que c'est le bon ! Glousse la petite poule. Le beau parfumé les attend devant son terrier. Quel bon vent vous amène de si grand matin ? Je cherche un Jean qui pourrait raconter des histoires à ma place, lui répond le raconteur. Enfer et crotte de poule ! Qu'est-ce qu'il cocotte ! Gémit Carmelito en titubant. Ne furetez plus ! S'écrie joyeusement Jean qui pue. Je suis votre homme ! Avec un courage qui force l'admiration, le conteur aspire une grande goulée d'air frais et se lance. Mais le puissant fumet du furet a raison de son audace. Atteint en pleine narine, il tourne de l'œil à son tour. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il ne faisait pas l'affaire ? Demande Bellino. Inlassablement, ils interrogent tous les gens du pays. Remplacer le raconteur ? Désolé, j'ai pas fini ma cure. Raconter des histoires ? Ça m'intéresserait, mais j'attends le baiser d'une princesse. Comment osez-vous demander ça à un honnête blaireau ? S'il vous plaît ? Occupé ! Cela n'a même pas la peine de les questionner. Au soir du troisième jour, il faut se rendre à l'évidence. Carmen, Carmelito et Bellino ont échoué. Leur dernière visite a été pour Jean le Hibou, celui qui loge dans la grande horloge de l'hôtel de ville. Hélas, le bel oiseau de nuit n'est pas, lui non plus, le Jean qu'il cherchait. Le vieux raconteur est sans voix. Quel désastre ! Il va rejoindre ses ancêtres et n'aura pas transmis les trésors que lui avaient confiés les anciens. Soudain, Carmelito est intrigué. Regardez, là, fiché dans le volet, une flèche ! Bien vu, frérot ! S'écrie Carmen. Je la reconnais. C'est la même que celle qui était plantée dans le derrière de Jean de l'Ours. C'est un signe ! Dit Carmelito. Suivons-la. Bellino, viens nous aider à grimper. Nom d'une plume ! S'écrie Carmen. Je parie que c'est le galopin dont nous a parlé Jean de l'Ours. Et vous savez quoi ? Il est endormi sur des feuilles. En moins de temps qu'il n'en faut un poussin pour gober une mouche, il se retrouve à l'intérieur de la maison. « S'il vous plaît ?» lui demande Carmelito. « Comment vous appelez-vous »« Le jeune garçon, tiré de son sommeil, regarde avec étonnement ses visiteurs. Jean, répond l'enfant. Aimes-tu les histoires, mon petit Jean? Demande le raconteur, le cœur battant. Oh oui, répond le gamin avec un grand sourire. Beaucoup, surtout les histoires d'animaux. Et dites, merci de m'avoir réveillé. Je m'étais endormie sur mes punitions. Je dois copier 100 fois. Je ne pousserai plus des grognements d'ours dans la classe pour faire rire mes camarades. Il y a plusieurs gens, dit le raconteur. Mon petit Jean, accepterais-tu d'être gardien d'histoire? Ben, je sais pas si je saurais. C'est facile. Je te les raconte et tu les conserves bien au chaud sous ta perruque. Je vais bien essayer. Le vieux conteur, très ému, regarde avec tendresse celui qui va lui succéder. Puis il toussote pour s'éclaircir la voix. Conte, conte, conti, conta. Petits et grands, tendez l'oreille. Conte, conte, conti, conta. J'en trouve mon sac à merveille. Il était une fois... Le raconteur commence tout naturellement par lui conter une fable de son oncle Ésope. J'adore cette histoire! S'enflamme le petit Jean. Vous savez ce que je vais faire? Eh bien, pour ne rien oublier, je vais tout écrire. Et jusqu'à l'aube, le vieux conta, conta, conta. Fables, contes, récits, légendes jaillissaient de sa bouche comme l'eau de la fontaine. Le petit bonhomme n'en perdait pas une goutte, enregistrant un à un ses trésors. Crrr, crrr, crrr, faisait la plume en courant sur le papier. Mission accomplie. Carmelito, Carmen et Bellino dormaient du sommeil des justes. Un mois plus tard, les petites poules, le cœur battant, ont les yeux fixés sur la porte d'entrée. Rien d'étonnant à cela, vu que nous sommes lundi. Et le lundi... Salut mes amis! Pour débuter cette soirée, je vais vous lire l'histoire d'un chanteur des bois, amateur de fromage qui fouette. Voici le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans... » Dis-moi, ce Jean avec cette perruque renaissance, toutes ces dentelles, le corbeau et le renard, ça ne serait pas Jean de la Fontaine? Tu as raison, Camille. Encore un épisode des petites poules truffées de jeux de mots et de clins d'œil. C'était Jean qui dort et Jean qui lit, de Christian Jolibois,